C'est fou. 89.1. Sometimes. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Ingrid Ardebert nous parlera de ce qui fait l'actualité en périnatalité dans la course au trésor. Véronique Mire parcourra la lettre K dans son segment Le Véronictionnaire et Stéphanie Paradis nous dévoilera ses petits bonheurs de la vie. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 4 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, JP. Salut, Mathieu. Ça va? Ça va. Oui, bien, crime qu'on a une émission assez imprévisible devant nous, mais en même temps tellement plaisante. C'est un peu comme la météo. Oui. Et la petite musique cheapo en arrière. Ce qu'on n'a pas, par contre, parce qu'on a de la très bonne musique de Vanessa Parietta derrière nous. Oui. Mais si on était à Météo Média, on aurait du petit... Oui, on aurait des écrans verts aussi. Oui. Et là, je préfère des simagrées. Parce que tu fais de toute façon, mais oui. Là, au moins, ça donnerait une raison de les faire. Tu vois, il va neiger ici, puis là, entre mes bras, puis mes cheveux sur mes épaules, il va neiger des pellicules. Helm Shoulder. Oh oui. Ah, ce serait une bonne publicité, par exemple. Oui. Faire un parallèle entre la météo et... C'est comme entre la météo et l'actualité. Tout le monde a cette idée-là, tu sais. Je vais faire une chronique avec la météo et l'actualité. Ben oui, on dirait que c'est des classiques. C'est des gros classiques. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on a Véronique Mire qui est là à 8h pour sa chronique Le Véronictionnaire. On est rentré à la lettre K. On a essayé de deviner quelques mots qui commençaient par K, mais c'est difficile avec cette lettre-là. Oui, on a trouvé kilo. Bon, facile. Quinoa. Quinoa, c'est un Q, je pense. Ah, t'as tellement raison. Koala d'abord. Koala. Vrai. Vrai. Que. Kilomètre-heure, tu sais, la bonne émission oui, avec. Michel Barrette et Gilda Roy. Exact. Ah oui. Alors, ensuite, à 8h30, on fera 5 espèces, ça devrait répondre là. Avec maison. À 9h, Stéphanie Paradis et les petits bonheurs. Évidemment, on dit jamais son thème à l'avance. Là, je le sais. Moi, vous pouvez vous y attendre aussi. T'es agace. Je suis tellement agace. Ça se peut plus, je me retiens plus. Mm. Ouais. On va commencer par contre avec Ingrid Arneberg dans quelques minutes. En tout cas, si tout va bien, à date, on ne sait pas encore. Mais la course au trésor, c'est la dernière chronique, probablement à vie. Devrait s'en venir. Moi, devrait. Sinon, on va commencer en musique avec une nouvelle entrée du côté francophone et c'est un retour pour la formation Outek. Ah oui? Oui! Outek, tu connais leur album qui s'appelle aussi Outek? Oui, monsieur. Ils sont en position numéro 19 du côté francophone. Voici la pièce. Ligne ouverte! Et voilà! Oh! On dirait jouer pour enfants. C'est du kinkophone. Ah! Ah oui! La caca. Du kinky fun. Du kinky fun. Oh wow! C'est quand tu joues de la musique, c'est ton entre gens. Ouais. Tech et la pièce Ligne ouverte à Assemblage requis. Oui. Malheureusement, Ingrid Arneberg ne sera pas avec nous ce matin. Elle va se reprendre pour sa dernière chronique la semaine prochaine. C'est garanti. Et je crois que ça va être sa dernière à vie. Donc, on va profiter d'elle la semaine prochaine. Pour l'instant, au moins, on repousse le mal à plus tard. Oui. C'est peut-être un au revoir, tu sais. Oui, ben c'est ça. On n'aime pas dire adieu, donc c'est pour ça qu'on repousse ça. C'est ça. Mais ouais. Pas de trouble. Mais non. Ça va nous remettre de bonne humeur parce que là, elle s'en va pas de suite. Oui! On l'a encore pour une semaine. Yeah. Tantôt, on va faire les paroles des autres. Je te réserve une petite chanson qu'on entend pas tellement fréquemment. En tout cas, assez fou. Mettons une fois par semaine, mais très, très courte, cette chanson-là. OK. J'ai la version longue. Oh! Ça va être bon, tabarnouche. Mais ça, c'est plus tard. Parce okay. qu'on a encore de la place pour une autre nouvelle entrée. Bon, ben c'est ça. Soit, tu me fais des attentes? Ben oui, là, moi, je plein d'espoir. Puis là, je sais plus quoi penser. Je te kick quand t'es déjà à terre. Oui, exactement. On écoute une nouvelle entrée de Royal Canoe. Tu les connais pour la chanson Bathtub, parce qu'on adore faire jouer. On l'a fait jouer tellement souvent depuis qu'elle était sur le palmarès, mais elle a quitté récemment. Elle est remplacée par une nouvelle entrée, dont voici... C'est la fête! Burning! Au golf aussi. Burning! Burning! Carl Carmoni! You know how it'll end. No one's really listening. We can all à moins que Carl ne déclenche une avalanche de... et c'est la bagarre qui commence avec Carl Carmoni, champion des bourses. Et dès le départ, Belling Carmoni Purdy. Trou numéro 2 en carrière, Carl Carmoni en 4 birdies en 8 présences. Oh, attention! Oh! Ça se pourra! Il est-tu bon? Il est-tu bon? Il a une belle moustache. C'est Carl Carmoni? Oui. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pas en tout. Mais c'est beau. Carmoni? C'est Carl Carmoni. Burley! Maintenant, toujours à Assemblage requis sur ce beau témoignage de Carl Carmoni. Deuxième consécutif. Est-ce qu'il a gagné 300 $? Oui, sous les yeux de sa femme, Suzanne. Suzanne Carmoni. C'est qui l'annonceur de qu'il y avait à ce moment-là? Je sais pas. Faudrait faire nos recherches. Moi, je veux avoir le gars qui fait les commentaires sur le golf. En fait, c'est plus du mini-pot que du golf. Oui, il faut vraiment... Bien sûr, je suis sûr que les gens vont l'avoir reconnu. Parce plus que moi, oui. C'est quand même... Ben, c'est ça, c'est quand même un classique, je pense. De... Oui, c'est une vedette. Bon. Retardement! Oh, on pourrait continuer d'écouter ça toute la journée. C'est au mini-pot Jean Talon, en plus. Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a des chandails qui se font à l'effigie de Carl Carmoni? Oui. What? Il y a un site internet, carlcarmoni.com. Donc, il y a les chandails. Il y a un DVD. Je pense que c'est les meilleurs moments. C'est le montage qu'on est en train d'écouter de 7 minutes 52 sur YouTube. Mais c'est Carl Carmoni, 10 ans de birdie, 58 minutes. Happy birthday. C'est ça. C'est grâce à toi qu'on est arrivé là-dessus. Ouais. Happy birthday. Puis je sais pas si tu veux faire une loupe dans le temps. Okay. Puis aller à 2 minutes. À 2 minutes, je suis là. T'es là? La gare de Suzanne Carmoni qu'on voit là, au fond de l'écran. La ligne. Ça se pourra! C'est un classique. Ça se pourra! Comme s'il y avait vraiment de la tension. Oui, c'est vraiment palpable. Oui, exactement. Mais écoute, t'as le chandail vraiment marqué. Ça se pourra! De plus en plus gros. Oui, puis ça finit avec un birdie. Donc voilà, carlcamoni.com. Mais waouh, je peux pas croire que quelqu'un a passé son temps à faire des designs pour ça. Oui, c'est du beau dessin quand même en plus. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Sur ce, c'est ce qui nous amène à notre prochain segment, celui qu'on aime depuis toujours, mais qui ne fit pas du tout avec notre discussion. Non. Voici les paroles des autres. Aujourd'hui, on écoute la chanson thème de la chronique Palmer Rest in Peace. Ah, oh, oui. What's gonna happen to you? You have woke up too soon and found the world you're in. And now your feelings have changed. Say goodbye to before. No. c'est bien. Ah. C'était le bloc Les paroles des autres. On vient d'entendre la chanson thème de la chronique Palmer Rest in Peace, diffusée dans les palmarès. C'est fou. Évidemment, les paroles des autres, c'est la chronique où on fait jouer une chanson thème au complet, là, pour ceux oui. qui n'ont pas compris. Et ça, c'était la pièce Bye Bye Bye par Plants and Animals sur leur album Park Avenue, édité en 2007. Par c'est bon, c'est vraiment bon. Vraiment. J'aurais même envie de la réécouter là. Allons-y! Non. On me disait que ça faisait bizarre de l'entendre au complet, parce que dans les palmarès, c'est fou, elle joue comme 15-20 secondes, ouais. hein, donc c'est très très peu. Si seulement on peut la faire jouer à chaque semaine. Hein. Ah, si seulement. Si seulement. Donc, Bye Bye Bye de Plants and Animals. Toutes les chroniques, les paroles des autres sont sur assemblagerequis.com. Maintenant, j'en fais, hey, mauvaise nouvelle, as-tu vu que iCoke se termine? Ben oui! Après 8 ans, le programme de récompense iCoke, l'un des plus réputés et anciens programmes de Coca-Cola, ah. se termine. Et nous te remercions, toi. Non, Mathieu. Merci à toi. Ah, mais merci. Si seulement je connaissais quelqu'un qui avait déjà enlevé le petit numéro en dessous de sa bouteille de Coke, de son bouchon. Si ce n'est que pour gosser, puis le laisser tomber, puis faire comme... Waf! C'est ça. Hey, savais-tu que pour 1150 points, tu aurais pu avoir 5$ de donation à WWF, la World Wildlife Fund? Ou pour 18 000 points, t'aurais pu avoir 25$ de certificat cadeau chez Coke. Wow! Tu sais, mais ça t'aurait pris des mois. On a passé à côté de quelque chose. Vraiment, là. C'est regrettable. Il faut dépenser ses points avant le 1er avril 2014 à minuit. Heure de l'Est. Oui. Top chrono. Top chrono. Allez-y. Dans quelques instants, Stéphanie Paradis va être avec nous pour juste discuter puis jaser pour le reste de l'émission. Véronique Mire s'en vient pour la chronique Virelectionnaire avec la lettre K. Les petits bonheurs aussi de Steph. Oui. Ça devrait répondre là. Un paquet de choses, mais pour l'instant... Ceci. C'est... Ah oui. T'es mystérieux, Mathieu. C'est mystérieux. Ça change tout, le sel. Ça change le portrait. Il est sous, lui. Oh, oui. Ça se une place. CFOU 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours Assemblage requis en ce mercredi matin du 4 décembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Ouh. Dans quelques instants, ce sera Véronique Mire et sa chronique Le Véronictionnaire. Il va nous parler de quinoa. C'est un cul dans quinoa, non? Ah, oh, vulgaire! Oh. Ah. Ah, les fesses dans le quinoa. Ouais. Bon appétit. Les yeux dans l'eau, les fesses dans le quinoa. On va écouter une nouvelle entrée de Audrey Emery du côté francophone. Voici La couleur des jours. Ça, c'est fou. 85. Keep breathing. Est-ce qu'on est dans une porno sans que je le sache? Ou... Oui. On est assez de gars et de filles pour ça. Deux gars, deux filles, c'est... Maintenant, on va avoir une chronique aussi à Canal D. Ça va s'appeler Porno sans le savoir. Porno sans le savoir. Moi, je suis Shotgun Véro. Oh! Okay. Oh! Oh! Fait qu'on est pas ensemble. Bon, ben... Let's go! Tag team! Tag team! C'est fesses. Woohoo! Ok, mais tu trouves-tu qui. Mes fesses sont plus douces depuis que je les trempe dans le quinoa. Quinoa n'est pas un mot qui commence par K, mais par contre, en voici des mots qui commencent par K. C'est le Véronique Sionnaire. Oui! Coucou! Coucou, Véronique Mire! Ça va bien? Ça va bien. D'abord, Stéphanie aussi est là, tu peux dire oui, salut. Oui, je suis très contente. Oui, en passant à l'autre voix de fille, c'est moi, Stéphanie. Enchantée. Paradis. Quand même. Eh oui, la lettre K que je pensais qu'il ne serait pas très fournie. Non, c'est puis, ça. C'est... Finalement, il y en a pas mal. Donc, ce sera que K aujourd'hui. On n'en fera pas un K. Ah, excuse, deux blagues en même temps. Vas-y, la première. Ah oh, non, moi, c'était plate. OK, moi, c'était bon, on n'en fera pas un K. Ah, c'était plate aussi. Moi aussi, bon. Plate. Ouais. Ben, on va commencer par un ketchup quiz. Ah. Combien de variétés? 52? 74? Tu peux devancer ça. Oui, ben en fait, pourquoi? Combien de variétés? Si on regarde là, sa bouteille de ketchup, hein, la vraie, pas la sélection, pas la... La vraie ketchup, il y a un chiffre, un nombre, en fait, écrit sa bouteille. Ouais, mais 57. Exactement, 57. Donc, en fait, c'est pas parce qu'il y a 57 variétés hein, de ketchup, parce qu'en fait, il y a plus que 5700 produits. Heinz? Okay, en fait, c'est sur la bouteille de ketchup Heinz, hein? C'est pas... 57, oui. C'est pas, ça n'a pas rapport avec les variétés de ketchup, là. Okay. C'est avec la marque. Parce que en fait, Henry Heinz, hein, donc l'inventeur de la compagnie, se promenait à New York en train en 1896, puis a vu une annonce d'une compagnie de souliers qui disait qu'il y avait 21 sortes de souliers différents. Puis il s'est dit, si c'est pas intelligent, 21 sortes de souliers, c'est beaucoup quand même pour l'époque. Puis copier, c'est juste la forme la plus sincère de... C'est quand t'aimes quelqu'un, tu copies. T'sais. C'est flatteur. C'est flatteur, voilà. Fait que lui, il s'est dit, ben tiens, 57, ça va être mon nombre chanceux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 57 sur la bouteille de ketchup. Eh ben. Combien de bouteilles de ketchup sont vendues autour du monde chaque année? Oh là là. Est-ce qu'on compte les squeeze ou les tap-tap sur le dessous? Les bouteilles en vitre. Les bouteilles en vitre. Ça, ouais, c'est plus les rare. Les vrais de vrais. Ouais, mais... Essayez-vous. 25 millions. Oh! 25 millions, OK. Moi, je pense que t'es peut-être un peu haut. Je vais y aller avec 17 millions. Steph, mon Dieu! Beaucoup plus! Tu vas gagner de toute façon parce que... Plus que Mathieu! Faut pas que tu dépasses! Plus que Mathieu! Comme à Price is Right. $1. Ben, tu dis ça, ben c'est exactement non, ça que tu fais. Non, pour vrai, j'en ai aucune idée. Mais attends, une bouteille de ketchup par personne, 6 milliards. Oh, 6 milliards! C'est en même plus que ça, c'est 650 milliards! Hein? De bouteilles de ketchup. T'imagines? C'est à cause des restaurants. Voilà. Mais même pas de bouteilles de vite. J'ai pu trop vite, j'ai même pas eu le temps de penser à pourquoi il y en avait tant que ça qui se vendait. Ben oui, donc dans 140 pays, pour un revenu de 1,5 milliard par année. Wow. Parce qu'il y a des bouteilles de ketchup à moins qu'une pièce. Oui, OK, oui. Donc, voilà. Combien maintenant de petits sachets? Ah, oh, OK. Est-ce qu'on parle des sachets doubles, là, que chez IW? Je pense que c'est des sachets doubles. C'est beaucoup mieux. Grosse poche de ketchup. C'est bien connu. Hey, j'ai dit quoi, là? 650 quoi, là? Ben, c'était millions, j'imagine. Millions, pardon, c'est millions. Ouf, ouf. Je pense que ça va orienter ma prochaine réponse, parce que... Parce que là, on parle de milliards dans celle-là, ça veut dire... moins de sachets? OK, là, c'est 650 millions. Non, mais ça s'achète en caisse, là, on s'entête, t'achètes pas un sachet. En sac. Mais combien de sachets dans une bouteille? Est-ce qu'il faut multiplier, tu penses? Ben, non, parce que les gens qui utilisent le sachet n'utilisent pas la bouteille. Non. Mais mettons, on va se prendre une frite. C'est quoi? Ouais. On va en utiliser 4-5. À peu près 4-5. On les mangera pas tous, mais on va les prendre. Mais on va les prendre pareil. Mais il y a personne à la maison qui s'achète des sachets. C'est surtout en restauration. C'est vrai. Consensus. Hey, oui. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Considérant qu'il y a 650 millions de bouteilles qui se vendent dans le monde par année. Vas-y avec un milliard. Ouais, mettons un milliard. Un milliard, 11 milliards. Wow. 11 milliards, ça équivaut à 2 petits sachets par personne par jour. Mais bon, on n'en mange pas 2 petits sachets par jour, mais quand même. Juste à penser aux enfants, hein, tu sais, qui mettent du ketchup sur tout. Ouais, ben moi j'en mets sur quasiment tout aussi. Mais t'es un enfant, Mathieu. Ah oui, ma petite filleule, là, elle tripe ketchup et margarine. Margarine? Ouais, margarine. J'ai fait la gaffe de dire « Veux-tu manger de la margarine? » Un bonjour, puis là, depuis ce temps-là, c'est fini. Elle veut de la margarine. Wow, tu l'as brisé. Ça fait une nouvelle sauce à tremper pour la fondue au lieu d'être mayo ketchup, mais margarine ketchup. C'est gras margarine ketchup. À quelle vitesse le ketchup sort de la bouteille de ketchup? À 1 cm à l'heure, Ouais, c'est ça. Ça dépend de la vigorosité de ton poignet. Oui, tout dépend de la tape. 2 km/h. 2 km/h. Ben, en fait, là, c'est américain. Hein, fait que c'est 0.28 000 à l'heure. Faut multiplier par quoi? 28 000 à l'heure. Divisé par 1? 1000, c'est plus... ouais. Si, mettons, tu vas à 70 000, c'est genre 100 quelque. Fait que 0.28. Ouais. Ça fait 0.45 km/h. C'est vraiment lent. Ouais. Puis en fait, c'est comme ça qu'ils regardent si la viscosité du ketchup est bonne. Si le ketchup sort trop vite, plus vite que ça, ben là, ils jettent. C'est pas une bonne batch. Ah ouais? Ah wow. Quand même. Je suis préposé au tournage de bouteilles. Ding, essayez la vitesse du ketchup. Avec les patates. Où sont mes patates? On cherche des patates. Un comité des patates est demandé de se manger. Combien de livres de patates un Américain moyen mange-t-il? En livres, c'est ça? Par année, en livres. En livres. Son poids, son propre poids? 350 pour l'Américain. 350 par année, oui. On doit facilement manger son poids en patates. Ouais. Ouais, moi, je dis que c'est plus que ça, là. Non? Vas-y avec 351. Oui, 351. Tu vas gagner, c'est gars. Mais mettons... Ben, vous êtes pas loin. C'est quand même, ça ressemble à ça. 130 livres par année. OK. Ah, la moitié du poids d'un Américain moyen. Genre. C'est vrai. Ben, vous savez aussi, donc, Ketchup Quiz est pas mal terminé. Donc là, je tombe plus dans la braguette de la chronique. Ben, vous savez que dans le film Psychose, il y a eu un gros débat. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire la fameuse scène de la douche? Là? Mm-hmm. Parce que c'était en noir et blanc, donc on pouvait utiliser n'importe quoi, de n'importe quelle couleur. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on utilise du ketchup? Puis finalement, c'est le coulis de chocolat qui a remporté la mise. Plus épais et tout. Donc, ça doit être quand même agréable à tourner. Quand même! Pour trouver la version porn, ils ont fait la même chose, sauf qu'à la place d'aller la tuer avec un couteau, il allait licher le chocolat sur son corps, c'est ça qu'il faisait? Aïe, aïe, aïe! Je pense que c'est la version porn de Psycho. On tournera ça ensemble, Steve. Vous êtes pas invités, les gars. C'est correct, on avait quelque chose de prévu. Voilà. Saviez-vous qu'il y a eu une polémique du ketchup comme légume aux États-Unis? Comme la sauce tomate et pizza. dans le même genre. En fait, c'est Ronald Reagan, hein? Donc c'est une directive de l'administration pour les produits alimentaires et médicamenteux du département de l'agriculture des États-Unis. En fait, dans les écoles où on voulait remplacer une portion de fruits et de légumes, ça coûtait cher, faire tout ça. Donc, ils se sont dit, la relish et le ketchup, ça compte comme une portion c'est des de légumes. Oh my God! Assez dégueu. C'est triché. Un peu, ouais. Quand ton légume est modifié à ce point-là, je pense qu'on peut oublier ça. Ouais. Quand c'est un liquide avec aucun grumeau dedans, c'est juste complètement lisse. Ben, il y a des grumeaux dans relish? Ouais, mais il va dans le ketchup. Ouais, j'avoue, dans le relish. Ouais, t'as raison. Quand même. Mando au petit Benjamin le matin. Benjamin, toi, comme ton fruit là, avec ta toast, fais-tu une clémentine ou une portion de ketchup? Donc, voilà pour le ketchup. Maintenant, on passe au kimono. Okay. Kimono japonais. Hein, pas donc, non. Non? Non. Ben, écoutons. Donc, kimono qui vient de kiru et mono, chose que l'on porte sur soi. souvent confondu avec le vêtement que l'on porte pour faire des arts martiaux. Hein. On va dire des fois que ceux qui font du karaté ou du judo vont porter un kimono, mais c'est pas vrai. Faux. Au karaté, c'est un karaté-gi. Karaté-gi. Ah oh, oui, on va y revenir. Est-ce qu'on s'embrasse sous le karaté-gi? Le karaté-gi. Puis là, ben, avant que tout, hein, parce qu'avant, c'est ça qu'ils portaient essentiellement au Japon, un kimono. Mais en fait, avant que les jeans arrivent, les t-shirts, les chemises et compagnie, ben, tous les types de vêtements étaient appelés un kimono. Comme en Afrique, les gens portent toujours un pagne. Ils disent un pagne, mais en fait, c'est pas le cache-sexe. Hein? Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, moi, j'imaginais là, les sauvages qui portent un cache-sexe. Ça n'a rien à voir. Le pagne, c'est vraiment une sorte de tissu en Afrique qui sert à faire toutes sortes de vêtements. C'est très, très beau, très coloré. Même chose pour le kimono, donc qui désignait toutes les sortes de vêtements. Donc, une robe traditionnelle japonaise en T qui descend jusqu'aux cheveux ou aux pieds. Pour les femmes avec les très, très, très longues manches là, qui peuvent descendre jusque par terre. Jusqu'à dimanche. Dimanche. Jusqu'à dimanche. Oh! Oh. Non, non. Donc, en fait, on met le côté gauche sur le côté droit du kimono. D'abord, c'était pour cacher une arme. Les samouraïs s'en servaient pour cacher des armes. Et c'est aussi parce que les morts sont habillés côté droit sur côté gauche. Mmh. Donc, il ne faut pas mélanger les côtés hein, parce que ça porte malheur. La ceinture qui sert à attacher le kimono s'appelle un obi. Et puis, les kimonos masculins se distinguent des kimonos féminins par les couleurs plus sobres, plus sombres aussi, et les motifs qui sont moins voyants. Il n'y a que les sumotori, hein, donc les lutteurs sumo, qui vont porter parfois des kimonos roses fluo. Mm-hmm. Donc, ça n'a pas d'importance pour eux. Voilà pour les kimonos. Kimonos, maintenant, les kistéréos. Kistéréos. Une blague de son. Oh, wow. Ça, c'était bon. Merci. Petit animal d'Australie. Ah! Hey, dur à taper, je ne vais jamais le trouver. Oh. Quinoa. Non, pas le quinoa. Koala. Le koala. Le koala. Donc, marsupial arboricole herbivore endémique d'Australie. Donc, le dernier représentant des Phascolarctidae. C'est quoi cette idée? C'est facile à dire. Donc, les mâles vivent jusqu'à 10 ans, les femelles jusqu'à 15 ans. C'est un des symboles de l'Australie. Qui a été beaucoup chassé au début du 20e siècle pour sa fourrure. Oh. Donc, malheureusement, sa fourrure qui est de couleur marron-gris pour l'aider à se camoufler dans les arbres, dans les eucalyptus, en fait, qu'il mange beaucoup. Puis, en fait, il y a plus de fourrure sur son postérieur, sur son derrière, là. Oh. Parce qu'il est souvent, souvent assis, le koala. Donc, ça, il fait un petit pouf, un petit coussin portatif. Wow. Ouais, c'est le fun. Donc, il y a quand même plus de fourrure sur son derrière. Est-ce qu'on a des coussins en fesses de koala? J'en aurais besoin. Ça serait mignon. Ouais. Quand même, mais pas en vraie fesse de koala. Non, non, ben non, jamais suggéré le tuer animal, franchement. Puis le koala passe aussi, non seulement beaucoup de temps assis, mais aussi beaucoup de temps à se lécher. Hein. Il s'entretient énormément, tellement que sa fourrure est à coiffure. Ouais. Hydrofuge. Donc, la pluie perle sur la fourrure du koala. C'est spécial, là, quand même. Certains koalas ont des mutations génétiques. Donc, il y en a quelques-uns qui vont être albinos, blancs avec les yeux rouges, nez rose. Et il y en a d'autres qui vont souffrir, qui vont avoir le leucétisme, comme les tiques du Bengale. Donc, ils vont être blancs, mais qui n'auront pas les yeux rouges. Oh. Donc, les tiques du Bengale, c'est des leucétiques. Cute. Quand même. Les koalas disposent d'empreintes digitales, ce qu'on appelle aussi des dermatoglyphes. Empreintes digitales, dermatoglyphes. Wow. Retenez ça. Quand même. Hein? Puis, elles sont difficiles à distinguer de celles des humains. Okay. Empreintes des koalas. Donc, les experts sont capables de le faire, mais ça ressemble énormément, hein, des empreintes pour des empreintes. Ça ferait un bon film, ça, le gars qui utilise un koala pour aller faire un crime. Oui. Crime koala tueur. Ben oui, quand... Killer koala. Il peut prendre albinos, il est blanc, les yeux rouges, fait qu'il dit, au pire, il dit qu'il a la rage. Ah oui. C'est pas de ma faute. Hey, c'est pas un koala aux yeux rouges en photo, est-ce que ses yeux deviennent pas rouges? Oh! Non, peut-être. Bonne question. Ouais. On va le tester. Qui sait? Une autre caractéristique du koala, c'est que son pelvis est attaché à son bassin. Fait que ça lui donne une drôle de démarche. Parce que c'est pas flexible, très. Ça bouge pas. Wow. Donc, ça peut donner des drôles de choses. Il souffre aussi de dimorphisme sexuel. Ben, en fait, ils sont de dimorphisme sexuel. Donc, le koala mâle est deux fois plus gros que la femelle. Mm. Quand même! Yowch, hein? Viens t'en par ici, ma chérie. Tout un gros koala. Sa poche, comparée au kangourou qui est dirigé vers le haut, sa poche est dirigée vers le bas. Fait qu'elle sert à rien. C'est comme un sac d'épicerie à l'envers. Ça protège quand même le petit. Okay. Mais bon, Il tombe pas? Ouais. Ben non. Ils s'accrochent? Non, je sais pas. Ça doit être gluant, genre, dedans, vers l'arrière, peut-être. Ben, vu qu'ils sont beaucoup assis puis qu'ils bougent pas, ben. Ah, ben, c'est vrai. C'est moins dangereux que le kangourou qui se déplace beaucoup plus rapidement. C'est une capuche pour le. Le voilà, petit. Le petit bébé. Bébé, capuche. Le temps que ça, son poil devient hydrofuge. C'est ça. C'est ça. Puis quelque chose d'un peu bizarre sur le koala. Donc, le koala a le même rôle écologique que le paresseux dans le sens où il défèque 150 fois par jour. Quand même. Wow. Okay, il doit se déplacer un peu une fois de temps en temps parce que sinon, s'il est tout assis et qu'il défèque 150 fois par jour. Donc, vous pouvez facilement suivre la trace d'un koala. Ansel et Gretel, mais à la place, c'est Ansel et Gressel. Gressel. Oh. Ansel et Gretel, il était déjà dedans. Mais oui, quand il pense. Ansel et... Laisse faire. Aïe, aïe, aïe. Non, puis en fait aussi, ben, les fesses même du koala sont spéciales parce qu'il ne boit pas beaucoup, donc c'est des petites boulettes secs. Donc, en tout cas, voilà. Pour le caca du koala. Maintenant, deuxième symbole animal très connu d'Australie. Kangourou. Le kangourou. Ils trippent ses cas, eux autres doivent être racistes à la base. Là. Hey, quelque chose avec le Ku Klux Klan là-dedans. Ouais, ouais. Cool. Je vous le dis tout de suite, j'ai même pas checké sur le Ku Klux Klan. Ça me tentait tellement pas de regarder ça. Là. Mais pas de coco aujourd'hui. Non. Kangourou, plus amusant. Donc, il y en a 40 millions en Australie des kangourous. Ah, ça fait toute une gang, ça. Hein? Un gros party. Donc, les kangourous sont des animaux nocturnes. Ils se servent de leur queue comme trépied, mais aussi comme balancier quand ils se déplacent. Ce qu'on appelle le crawl walking, parce que ben, vraiment, la queue sert à se déplacer. C'est assez spécial. L'origine du mot kangourou, donc, en fait, c'est un naturaliste, Joseph Banks, qui se promenait sur le bateau du capitaine James Cook en compagnie d'un interlocuteur autochtone. Il a vu un kangourou sur la rive, il l'a pointé, puis... Il voulait savoir c'est quoi. L'interlocuteur autochtone lui a dit « Kangourou » qui voulait juste dire « Je te comprends pas! » Puis là, ben c'est devenu kangourou. Wow! Donc, voilà. C'est intéressant. Mais naturaliste, là, ne pas confondre les naturistes. C'est pour ça que tu l'as vraiment dit deux fois. Naturaliste. Oui. Donc, un mâle féconde en moyenne 20 femelles. Et il y a beaucoup de combats hein, de kangourous. Donc, vous avez sûrement vu ça sur Internet. Là, combat avec vraiment les poings, les pattes. C'est assez violent. Et vous avez peut-être vu celui du kangourou qui noie le chien. Ah, non, j'ai pas vu ça. Le kangourou attire le chien dans l'eau et il va le prendre puis vraiment le caler dans l'eau. C'était vraiment c'est bien violent. Voyons, ça brise la magie du kangourou, je trouve. Oui. C'est assez, ouais. Puis on a même une autre vidéo d'un kangourou dans une arène qui se bat contre une femme. Puis elle mange toute une volée, là. C'est assez solide, hein? Kangourou. Donc, il n'y a pas de saison des amours pour les kangourous. Eux autres, ils font ça à l'année. Toute l'année. Mais ils vont donner naissance généralement à un seul petit dans toute leur vie. Un phénomène étrange, c'est que les femelles kangourous en bas âge vont donner naissance seulement qu'à des femelles et en vieillissant seulement qu'à des mâles. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est assez spécial. Puis comme tous les marsupiaux, ben saviez-vous que les kangourous, quand ils naissent, ben c'est encore des petits... pas des larves, là, mais sont encore à l'état de fœtus, un peu, là, si on veut. Donc, nouveau-nés naissent à 4 semaines. C'est des embryons. Hein? L'équivalent de 8 semaines pour un humain. Donc, vraiment pas développé hein, à 4 semaines de vie. Donc, il mesure juste 2 cm de long. Mmh. Il naît. Là, la femelle fait une trace avec sa salive pour qu'il s'en aille jusque dans sa poche. Okay. Dans la poche, là, il y a 4 tétines. Donc, le lait qui va changer avec l'évolution du kangourou qui va lui donner plus de protéines pour le cerveau ou plus de sucre pour qu'il reste en vie. Donc, à ce stade-là, il n'y a même pas de poumons. C'est juste une petite larve rouge qui respire par les pores de sa chair, si on veut, parce qu'il n'y a pas encore de fourrure et tout. Vous irez voir ça, c'est assez spécial. Ben oui, c'est bien bizarre. Donc, kangourou bébé, là, vraiment, vraiment, vraiment mini. Puis, par rapport à sa vitesse de déplacement, donc 20 à 30 km/h en temps normal de déplacement, peut faire des bons spectaculaires de 3,5 mètres de haut. Wow! Et encore plus impressionnant, 13 mètres de long. De long. Wow! De long. Tout un jump. Hein? Donc, quand il est en danger, là, il peut aller jusqu'à 90 km/h en vitesse. Donc, quand même, là, difficile à battre à la quasiment course. Quasiment l'autoroute, là. C'est ça. Ouais, ouais. Sur l'autoroute. Wow. Vitesse de kangourou en Australie, peut-être, à ne pas dépasser. Donc, voilà pour le kangourou. Site Internet que j'ai trouvé par hasard en tapant, bien sûr, cas sur Google. Donc, Kawab. Connaissez-vous le site Kawab? Non. C'est un site qui est spécialisé pour faire des attentats téléphoniques. Donc, pour niaiser les gens à la fin. oui, je pense que je connais ça. D'accord. On avait fait en onde l'année passée avec François-Olivier. Ah oui? Je me rappelle de ça, c'est vrai. Frank Call? Ouais. Kawab, donc c'est ça. C'est transactions douteuses, boutique pour adultes, accrochage de ta voiture, club vidéo qui a fait pour dire que tu as 3000 pièces d'amende ou qu'il faut que tu payes la caution de l'autre, des choses comme ça. Donc, Kawab. Si vous le faites, faites-le pas le matin parce que c'est tout le temps les répondeurs puis ça tombe à plat. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est assez. En tout cas, ben, vous pouvez, j'imagine, c'est plus pour vous donner des idées quand vous allez appeler, peut-être. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Tu mets le numéro de téléphone de la personne, t'as rien à faire, ça contacte la personne, ça enregistre le MP3 et ça l'envoie. Ah, ouais, voilà, c'est ça. C'est bien fait, quand même. Oui, puis il y a des temps, mais il y a même des délais. Comme pour laisser la personne réagir un peu. C'est assez spécial. On va, avant d'aller en chanson, en musique, aller avec Kawabunga! Oh, wow! Kawabunga! Donc, c'est dans quoi qu'on a entendu ça le plus, hein? Les Tortues Ninja. Ben oui, les Tortues Ninja. Donc, cri de guerre ou expression de stupéfaction utilisée dans plusieurs bandes dessinées et dessins animés, dont Peanut, hein? Donc, il y a Snoopy qui dit Kawabunga. Oh, oui. Les Simpsons, Bart Simpson dit Kawabunga. Les Tortues Ninja et dans Sesame Street, le personnage Macaron qui dit Kawabunga. Et tous ces personnages-là ont en commun soit d'être des surfeurs ou de pratiquer le skateboard. Donc, il faut être un ou l'autre pour le dire parce que sinon, là, t'as pas le droit. La police du Kawabunga débarque chez vous. Et dans Scooby-Doo aussi, il y a un fameux surfeur là, qui s'appelle Kawabunga Carlisle qui dit évidemment Kawabunga. Alors, c'est un programme télévisé américain des années 40 à 60 qui s'appelait Howdy Doody. Howdy Doody. qui a lancé l'expression qui a été popularisée par les surfeurs hawaïens. En plus du dude qui est arrivé récemment, qui vient aussi des surfeurs hawaïens. Puis les bro. Big. Big. Je pense que c'est plus les chick-a-ching, bling-bling. Ouais, peut-être. Je me suis trompé de répertoire. Donc, voilà pour la première partie de la lettre K. Alors, j'ai choisi une petite pièce de Radiohead, commençant par un K aussi, qui s'appelle Karma Police. Assemblage Ricky. Deuxième partie du virulitionnaire, la lettre K, après. I'm date, ça, hein? Oui, oui, c'est bon. Wow. OK Computer. Non, il y a un coup, même dans le titre. Oh! Donc, Véronique Mire. Oui. Véronique Sionnaire, partie 2, la lettre K. Toujours avec toi. Et donc, cette lettre K qui est jusqu'à maintenant très, très remplie, plus qu'on aurait pensé. Ben oui. Il nous reste une deuxième partie, c'est incroyable. Oui. Autant allez, de mots avec un K. On va y aller, vous allez voir. Donc, quand même, je me suis rendu compte, je parlais pas beaucoup de trucs québécois dans ma chronique. Puis, commençant par K, il y a une marque qui fait des cahiers, des coffres à crayons, des sacs d'école. Keto! Keto. Ben oui. Keto, oui. Plein de beaux dessins. Oui, mais ta blonde, c'est sûr que c'est quoi. Ça, c'est un truc plus féminin. Quand oui, même. Oui, c'est vraiment plus féminin. Donc, il y en a beaucoup à la coop. Ils en vendent beaucoup des accessoires, des trucs de keto à la coop. Un keto blaster, la petite radio. Non, pas la même affaire. Donc, c'est fin des années 90 à Montréal, Julie Saint-Onge, hein, qui a parti ça, keto. Donc, elle a travaillé dans un restaurant céramique café, en fait. Céramique café, elle faisait plein de tasses avec des dessins. OK, je vois les photos, merci JP. C'est beau, en effet très féminin, mais c'est beau, oui. Oui, ouais. Artistique pas mal. Quand même. Mm-hmm. Puis là, il y a une de ses collègues qui a dit « Pourquoi t'irais pas plus loin que juste des tasses? Hein? » Fait qu'elle s'est mise à faire c'est ça, des coffres à crayons, des sacs d'école, des cahiers, plein de choses. Donc, keto, que veut dire keto? Simplement deux en hongrois. Oh. C'est sa deuxième deux idée. En hongrois. Puis il y a deux petites, comme des griffes, hein, ouais. Deux petites griffes en haut du haut. Donc, je ne sais pas si c'est lié à ça. Puis à elle, c'est rejoint Catherine Fafard, qui maintenant s'occupe plutôt du côté administratif de la chose, hein, parce qu'avec des artistes, ça prend toujours des administrateurs. Ouais. Donc voilà pour keto. C'est bref, mais quand même, québécois. karaté versus kung-fu. Oh. Mm-hmm. Hein, deux cas. C'est quoi la différence entre les deux? Hein? Ben, le kung-fu, plus circulaire, plus gracieux, qu'on dit là, comme style d'art martiaux qui se fait plus avec les mains. Tandis que le karaté, c'est plus stop and go. Hein, donc, plus des mouvements saccadés. Bref, mais on peut pas dire qu'un est plus fort que l'autre, même si Kung Fu est plus gracieux. Les deux là, sont assez forts. Mais il y a le pays d'origine aussi qui est pas le même. Pays d'origine, totalement. Donc, karaté japonais. Oui. Et Kung Fu chinois. Et Kung Pao, juste asiatique en général. Kung Pao, très drôle, Kung Pao, avec la petite langue. Yay, yay! Et vous avez aussi le linge, là, l'uniforme de karaté qui est blanc avec les ceintures de couleur. Et Kung Fu, qui vont porter des habits plus en soie, boutonnés. Hein, karaté, c'est vraiment attaché avec la ceinture, tandis que Kung Fu en soie, souvent noir, boutonné. Donc voilà pour karaté versus Kung Fu. Intéressant. Les kamikazes! Ah oui! Il y a beaucoup de trucs japonais hein, dans les cas. Mais bon, c'est comme ça, quand même. Donc, les kamikazes militaires de l'Empire du Japon dans la Seconde Guerre mondiale qui faisaient des missions suicides dans le Pacifique. Donc, écrasaient leurs avions ou leurs sous-marins, hein, pas juste des avions, sur des navires ou des avions américains ou alliés des Américains. Donc, japonais contre les États-Unis. Par définition, c'est une tactique militaire désespérée, évidemment, pour livrer une charge explosive sur une cible avec une forte probabilité d'explosion. Hein, parce que si tu te pètes sur l'autre, c'est mieux de péter. Hein? Ouais. Bon. Donc, il y avait un cérémonial de départ. Ils vouaient allégeance à Hirohito. Récitaient un tanka, donc un poème, et ils buvaient l'ultime saké avant de faire ça. Puis maintenant, des kamikazes, par définition, en fait, c'est tous les attentats suicides ou quelqu'un qui met fin à sa carrière, à son avenir, est qualifié de kamikaze. Hop. Donc, quelqu'un qui s'auto-sabote, là, puis se finit, il n'y a plus rien à faire, on dit que c'est un kamikaze. Ils vont aussi pousser un cri avant, les Japonais, là, avant de faire ça. Donc, Tenyo et Kabanzai! Donc, qui est devenu ensuite Banzai. Oui, juste Banzai. Mais il faut faire attention, hein, Banzai, Kamikaze. Donc, pas très positif quand même. Mais vous avez aussi le drink Kamikaze. Okay. Un drink, un petit shooter, en fait, c'est un petit shooter. Donc, 2 centilitres de vodka, 2 centilitres de triple sec, donc Cointreau ou Grand Marnier, et 2 centilitres de jus de lime, petit shooter, donc one-shot deal. Yeah. Et il paraît que ça frappe, ça frappe. Donc, voilà, Kamikaze. Maintenant! On le sort en studio. Let's go! Même lignée que petit drink, donc toujours dans l'alimentation, les Kinder Surprise! Oh, oui. Il y en a pour filles à cette heure. Stéréotypiquement pour filles, oui. Les Kinder Surprise, donc c'est des chocolatiers italiens qui voyaient à part qu'il y avait des œufs qui étaient faits avec des surprises dedans. Puis là, malheureusement, toutes les entreprises étaient fermées en dehors de Pâques, donc... Pourquoi attendre? toute l'année. Oui, c'est ça. Donc, Michelle Ferrero s'est dit, bon, c'est une femme, en fait, qui s'est dit, ben au lendemain de Pâques, pourquoi pas continuer à faire des œufs avec des petits surprises dedans. Donc, en 1974, sont nés les Kinder Surprise. Donc, parce que c'est italien, hein? Donc, Kinder Surprise. Au départ, c'était juste des petits gadgets plus techno, là, en plastique jaune. Puis, petit à petit, ben, c'est devenu des trucs de Disney, des trucs de Tao Tao, Maya l'abeille, Donadoc. Et ça s'est beaucoup élargi. Par contre, savez-vous pourquoi il est plus facile d'acheter des armes aux États-Unis que des Kinder Surprise? Ben ça. Hein? Méchante transition. Oui. Ouais, il est plus facile aux États-Unis d'acheter des armes à feu que des Kinder Surprise parce que les Kinder Surprise sont bannis aux États-Unis. Ah ouais, j'ai quelque chose là-dessus, mais pourquoi, ouais. Non? Ben, les jouets sont considérés comme dangereux pour les enfants américains. Pour les avaler, hein? Peuvent faire qu'il va s'étouffer. OK. Voilà. Puis c'est très sérieux. En janvier 2011, une touriste canadienne, Lynn Bird, a tenté de franchir... Ben, en fait, a voulu franchir la frontière. Elle n'a pas pensé qu'elle avait un Kinder Surprise dans son auto. Bon, on le sait pas nécessairement là, qu'on n'a pas le droit non plus. Ouais, non, ben là, vous le savez, là, maintenant. Faites attention. puis, ben, le Kinder Surprise a juste été confisqué. Là. Elle n'a pas été arrêtée. Ils l'ont mangé, c'est clair. J'aurais fait ça. Ben, en fait, quelques jours plus tard, elle a reçu une lettre de 7 pages du gouvernement américain qui demandait son autorisation pour détruire l'œuf. Oh, comment? Sinon, il fallait qu'elle paye 250$ pour qu'il garde l'œuf le temps de faire le procès. Ah, c'est en or. Oh, vraiment, là, donc, danger d'étouffement. Les contrebandiers, hein, parce que quand même, contrebande de Kinder Surprise, en 2011, il y a 60 000 œufs Kinder qui ont traversé les frontières. Wow, c'est un vrai fléau. Oui, mais c'est pour ça que j'imagine qu'ils ont inventé les petites barres de chocolat Kinder, tu sais, les One Bar. Peut-être pour ça. Ça se peut. Mm-hmm. Et finalement, avant de faire mon petit vocabulaire en bref, le kilt. Oui. Le kilt, hein, donc porter ou ne pas porter le sous-vêtement sur le kilt. Donc, en fait, ça, c'est pas une tradition, hein, porter ou pas des sous-vêtements sous le kilt. Là, en fait, ça, c'est l'homme qui le porte qui décide s'il le fait. Okay. Un gentilhomme porte ce qu'un gentilhomme porte sous son kilt ne regarde que lui. un homme bien élevé se montre discret quand on lui pose la question. Il va simplement dire qu'il porte quelque chose. En anglais, il va dire... oh non, j'ai oublié ma phrase. Mais en tout cas, worn, hein, donc... Something is worn. OK, ouais, quelque chose est porté. Qui veut dire c'est porté ou qui veut aussi dire rien n'est abîmé. Parce que worn veut aussi dire abîmé. Non, d'accord. Donc, c'est à double sens. Ou il va dire ben, tout est en parfait état de marche. Ou encore je porte des chaussettes et des chaussures. Mm-hmm. Et les Écossais, hein, parce que le kid est écossais, vont dire ben, je porte le futur de l'Écosse. Wow. Quand même. Je porte le futur de l'Écosse. De l'Écosse. Oui. De Lagos, oh boy! Elle est pas pire, hein? Je la trouve bonne. Je la note aussi. De Lagos. Oui, c'est bon, ça. OK. Vocabulaire en bref pour terminer. Alors, qu'est-ce que Kaliemi? Kaliemi. Là, je te laisse, Mathieu, parce que là, moi, d'habitude, c'est moi qui réponds à ce genre de questions. Kaliemi, on dirait un nouveau prénom de hipster, là, Kali Trédignon Emi. Kali Emi, qui dirait bro. Tout le temps. Ouais, bro. C'est la petite entreprise... qui est connexe à Kalinette. Kalinette, c'est Kalinette. Celle qui nettoie les sinistres. Ça a rapport avec notre pleure qu'elle a. Là. Une pleure de banane. Une pleure de banane. La banane contient du calcium. Potassium. Kalimi. Potassium. Potassium. Potassium. Fait que c'est la concentration du potassium dans le sang. Hein? Tout simplement. Kaliemi. Le taux de kaliemi. Oui. D'accord. Donc, faites attention, hein, pas manger trop de bananes parce que vous savez, un trop fort taux de potassium dans le sang crée des pierres au rein. Ah, mais trop de bananes, tu veux dire quoi, là? 8 par jour? Ou... Je pourrais vraiment pas te dire. Tu te rendras pas là, Steph. Personne va se rendre là. Ça doit être vraiment un abus. Ça dépend de chacun, probablement, la capacité de ton corps à bien l'ingérer ou la transformer. OK, je vais bien encore. Ouais. Continue à manger tes bananes, c'est correct. Qu'est-ce que le Kammerspiel? Kammerspiel, c'est une sorte de caméra. Hey, tu mets des piles dedans. Kammerspiel. Oh! Ben, en fait, c'est une technique dramatique qui vise à créer sur scène une impression d'intimité par la simplification du décor. Ah. On va faire la même chose au cinéma. Qu'est-ce qu'un kiki? Kiki, c'est bon, un chien. Kiki, c'est un chien. Un chien qui porte un kimono et qui joue au akiki. Ben, kiki, oui, là, c'est une partie du corps. Le devant du cou. Un kiki. Je vous montre mon kiki. Ah, wow. C'est mon cou. Moi, je pensais que ça aurait plus rapport à l'entre-gens. Ouais, montre-moi ton kiki. Ça a l'air obscène. Non, oui. C'est le titi. Ah, le titi. Le pipo. Oui. Mais Mathieu, c'est pas le titi. C'est non. Biggie Biggie. Biggie. C'est le cou ou la gorge. Ensuite, le Kyodo. Le Kyodo qui est un tir à l'arc japonais. Donc, toujours japonais. Il y a plein de japonais dans le cas. Parce qu'il laissait partir les... mettons, il te laissait une dernière chance. Il dit, vas-y, vas-y, enfuis-toi. Puis là, Kyodo. Kyodo, la flèche dans le dos. Kyodo, tout ça, qui en bataille. Puis finalement, ben vous savez, les petits trucs là, qu'on peut mettre dans une pochette devant nous puis qu'on peut aussi porter, là, ça... Oui. Oui. Ça, ça ressemble au nom d'un fruit aussi, là. Un kiwi. Un kiwi. Un kiwi. Ah, j'ai avant. Puis un kiwi, en fait, ça s'écrit K, très d'union, oui. Ah oui. K-W-A-Y. Kiwi. Ça devrait être un kiwi. Mais oui, c'est bon, kiwi. Ben, les Québécois disent ça de même, je pense. Kiwi. Voilà, donc c'est ce qui conclut. Wow! La chronique d'aujourd'hui du Véronictionnaire! Fantastique! C'était quelque chose, mais avec des cas. Cacophoniquement bon, je sais pas trop, avec un cas encore. Il n'y a pas vraiment de cas dans ces mots-là, mais on n'en fera pas de cas, comme j'ai dit au début. Oui, c'est bon. Merci, Véronique Mire. Ben, ça me fait plaisir. Dans deux semaines, on va se retrouver pour la lettre J. Oui. T'es pas sûr? J comme dans Jean-Philippe. Jouet. JP. Jujube. Jouir. Ouh. Ah. Jardin. Jardin. J'en ai pas d'autres. Janvier. Ah oui. Donc, à dans deux semaines, Véronique Mire pour la dernière chronique de la session. C'est vrai. Alors, on va se quitter avec une pièce de Clopelgag. Elle commence vraiment par K. Ouais. C'est pour vrai, ça. Donc, Clopelgag, voici son nouvel extrait du palmarès francophone. JP, c'est en position numéro 18. Oui, on va aller voir Rayon X. On va aller voir Rayon X. On va s'exposer ça à toute la vue, du moins. Ouais. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Là, ça va être là. Ça va, elle va partir juste le garçon. Ton sabre laser sous mon rayon X fait briller mes cristaux dans ta chambre noire. J'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine. Et ton prix Nobel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Difficile de l'avouer, j'aime tout ce qui se mange. La science est une orange. Je prends le pouls de tes ongles, je vais les promener dans les champs magnétiques où nous aimons graviter. Fouiller ma salive, parer le radium dans la maladie. Depuis que nos lits se font la leucémie. J'ai couvert tes yeux de mon baume hypnotique. Tu vas retrouver Dieu dans ton diagnostic. C'est lui qui te fait mal quand il te crache son eau bénite. Avec son sabre laser, rayon X. J'ai couvert tes yeux de mon monde dynastique. Tu vas retrouver dans ton diagnostic. C'est lui qui te fait mal à toute façon. Avec son sabre laser, rayon X. Thank you. Au retour, on dépense tout le cash avec un cas qu'on a fait. Wow. Dans la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. À Assemblage Rocky. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Mais c'est d'habitude, c'est lui, c'est Jean-Philippe Chabonneau, puis moi je te présente. J'étais déstabilisé. Je vais vous avouer là, un de mes ailes dans la vie. Qu'est-ce qu'on pointe à l'écran? Un de mes ailes? Aile de poulet? Oui, aile de poulet, merci. Un de mes ailes dans la vie, c'est que j'aime ça avoir une structure à l'émission. T'sais. Je la fais jamais comme il faut, mais l'intention est là. Je voudrais que l'Infocampus soit là chaque jour à même heure. J'aimerais ça que mon intro, ce soit « vous présente quand l'heure commence », c'est « est présenté à la demi-heure ». Mes messages de comment dire ne sont pas les mêmes dépendant de l'heure ou la demi-heure. Je suis le même dans ma tête. T'sais. Ça a l'air beau dans ta tête. Ça a l'air très beau dans ma tête. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qu'on venait de dire? Au début de l'heure, je me présente en premier et tu te présentes. Puis la demi-heure, c'est je te présente, tu me présentes. Mais là, il est moins 10. Ouais, je sais pas quoi faire. Mais tu sais quoi le truc, Jean-Philippe? Non. Écoute ce qu'il dit. J'étais en train de... C'est ça qui arrive. Bon point! Mais j'étais en train de mettre mes écouteurs exactement au moment où il l'a dit. Puis okay. Moi, je m'attendais à dire, et lui, c'est Mathieu Plante! Ah! Puis là, j'ai gâché l'envolée lyrique. Oui, c'est ça. En tout cas, bref, gang. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Salut! Et c'est une des dernières fois où la Triforce du mercredi va être présente en même temps. Donc, profitons-en. Voici, et on vous dira plus tard ou une autre fois pourquoi. Donc, voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des choses ridicules à se procurer sur les différents internets. Et commençons avec la saveur du moment. Vous le savez tous, si je vous dis la saveur, le buzz des saveurs en ce moment, qu'est-ce que c'est, les amis? Banane. Non. Chocolat. Non. Moi, non. Je sais que ça Vanille. Commence. Non. Cerise. Non. C'est plus épicé. Pas bête mangeable. Non. Cumin. Sambal à lait. Aile de poulet. C'est du sriracha, évidemment. Ah. Ah. Évidemment, sriracha, on en parle tout le temps. On a parlé hier dans Tu manges mon cœur d'une sauce French Relat Slamin Sriracha. C'était très bon. Il y a Subway qui fait un sous-marin au sriracha en ce moment. Donc, c'est la mode sur Internet. Après le bacon, c'est le sriracha. C'est la petite bouteille avec le coq à l'épicerie. Là, ça coûte genre 7$, mais vous en avez pour un an. Donc, gâtez-vous. C'est la bouteille avec le coq. La sriracha. OK, tu veux dire... Tu l'as fait hier aussi, cette blague-là, mais merci. Pour de vrai? La sriracha, oui, tu l'as fait hier. Ah, je suis vraiment un recycleux. Pas mal. Recycleux. Je suis un recycleux. T'es vert, ça. Ouais, t'es vert. Donc, t'allais dire coq, Stéphanie? Non, j'ai pas dit coq. T'es au jasmin. C'est la bouteille avec un coq. Bref, donc. T'es vert. Il y a beaucoup t'as de saveurs. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi, là? Je vais te déranger. Oui, je pense que j'ai réussi. Je te suis plus pente, toi. C'est correct, je te laisse. Okay. Vas-y. Donc, vous savez, il y a beaucoup de saveurs de vodka. Il y a beaucoup de saveurs de sriracha. Pas de saveurs de choses à la sriracha. Il y a beaucoup de saveurs de vodka. Bref, on s'entend là-dessus. La compagnie UV Vodka vient de créer une vodka, à saveur de sriracha. Et selon ses créateurs, c'est épicé et piquant. Wow! Les traductions sont vraiment de l'âme aujourd'hui. Donc, c'est épicé sans être trop épicé. D'accord? Quelque chose qu'on doit pépicer, c'est quelque chose qu'on doit essayer pépicé, apparemment. Pépicer, mais colossal, pépicer. Puis la couleur est rouge, mais pas trop rouge. C'est ça, quand même pas. Ouais. La bouteille est grosse, mais pas trop grosse. Ouais. Le bouchon, il est dévissable, mais pas trop. Donc, UV vodka, vodka à saveur de sriracha. Eh, hey, mais ça doit être bon. Maison. Ah, je trippe. J'ai mangé de la sauce à sriracha à tous les jours depuis que j'ai fait l'épicerie, c'est-à-dire lundi, donc lundi et mardi. Et c'était écœurant. Maintenant. Cachez votre télé à pleine vue avec ce nouveau ce genre de flip around qu'on appelle. C'est on sait évidemment une femme dans la maison ou même les hommes des fois voudraient cacher la télé. T'sais, ils veulent pas avoir un grand écran noir quand la télé n'est pas en marche et tu veux qu'elle soit juste visible quand elle est en marche. On se comprend là-dessus? Donc, il vous faut le TV Mount qui s'appelle Hidden Vision TV Mount. On peut changer sa télé en un chef-d'œuvre, littéralement. C'est un tableau d'art qui va être caché de l'autre côté de la télé. Ça va être complètement à plat contre le mur et ça va avoir l'air vraiment d'un cadre. Il y a le modèle Flip Around qui se tourne à 180 degrés pour amener la télé. Il y a des springs avec du gaz à l'intérieur et ça va pouvoir flipper de n'importe quelle télé entre 30 et 55 pouces. T'as aussi le Flip Out qui est un autre modèle qui est fait pour être accroché par-dessus ton lit. pour que tu puisses regarder la télé dans le lit. Ah ben non. C'est le fun, hein? Ah ben non. Ah ben non, toi. Les prix varient par modèle, grandeur et caractéristiques. Le flip-out commence à 600$ le moins cher. Quand même. Moi, ce que je me demande, c'est tu fais quoi avec le câblage? Ouais, oui, j'imagine que ça va passer dans les tuyaux genre du truc sur le mur. Mais t'as vu le modèle pour le lit, là, comment il est cool? Ouais, c'est très cool. Pour vrai, c'est ça que je veux. Mais OK, moi, je vais être honnête avec vous autres. Là. Juste le temps d'appuyer sur le bouton de la manette et le temps que la télé ouvre, je pogne déjà les nerfs parce que je trouve ça long. Là, il faudrait que je vire le cadre de bord. Ouais. Non, merci. Non, merci. Bon point. Bon point. À la place, installe-toi genre, tu sais, comme dans les classes, il y a un petit truc blanc, là. Qui peut se descendre, mais met un tableau dessus. Avec un projecteur. C'est ça, un projecteur. Fais juste le descendre par-dessus ta TV. Ouais, parfait. Ouais, ça va être beau. Projecteur qui projette une œuvre artistique, puis après ça, une TV en arrière. Ben oui. Ouais, tout simplement. Ou est-ce que c'est toujours un projecteur à la place d'une TV? Ensuite, pour les enfants qui sont rendus technologiques, vous savez, les enfants de plus en plus jeunes se servent d'un iPhone, iPod Touch, iPad, et votre petit bambin a besoin aussi de manger assis à une chaise de plastique. Donc, pourquoi ne pas combiner les deux, le plaisir du iPad et le plaisir de manger avec ce petit banc? Socle à iPad et aussi table à manger. Pas langer, manger. Donc, c'est la CTA Digital Eye Rocking Play Seat. Pour que votre enfant soit confortable, en sécurité, bien attaché dans son rocking chair. Donc, c'est vraiment basculant. Là. On peut vraiment se balancer là-dedans avec un stand ajustable pour mettre un iPad. Et il y a un truc pour couvrir l'écran du iPad pour pas évidemment mettre de nourriture dessus. Et on peut l'angler à trois différents angles. Rotationner, là, j'invente des mots à matin, à 360 degrés pour faire le mode portrait ou paysage du iPad. Et en plus, on peut revirer le tout pour faire une table pour manger. Et tout ça va au lave-vaisselle. Et voilà. Ça va occuper votre enfant pour toujours. Plus besoin de le sortir de là. À chaque modèle, on upgrade la chaise et l'iPad pour les parents riches. Je sais pas pourquoi on dirait que je suis réticente à, je sais pas, tout de suite rendre mon enfant comme dépendant de ces gadgets-là. Il me semble qu'ils ont d'autres choses à découvrir avant de se lancer là-dedans. Tellement. Mais en même temps, c'est sûr que certains diraient que ça va les aider pour leur la coordination, la tu sais. Lecture, oui, mais je pense qu'il y a des trucs un peu plus interactifs qui pourraient un peu utiliser tout son environnement au lieu de tout de suite le focusser sur un écran. Puis, t'as bien raison. Je sais pas. Les deux fils, là, tu sais, qu'il faut que tu associes quelque chose à quelque chose, puis la petite lumière allume quand tu l'as bon. Ouais. C'est le fun, ça. Ouais, mais ça va l'apprendre à faire du hot wire sur son char. Il va pouvoir partir des chars sans clé. Ça va l'éduquer pour la vraie vie. Et voilà. Maintenant, l'hiver est arrivé. On sait, dans la neige partout, c'est plate. Et c'est lourd aussi de la neige. Hein. Quand il y a mouillé un petit peu ou que la neige est très, très humide, c'est difficile à pelleter. Il vous faut une pelle qui s'appelle la Snow Wolf Wheel, le Snow Shovel, avec une très, très grosse pelle à l'avant et une roue au milieu. Tu veux dire une très, très grosse roue avec une pelle normale. Si on veut. Ça ressemble au vieux vélo dans le temps. Oui, exactement. Les grandes roues. Donc, c'est ça. Ça va vous aider à pousser plus facilement. La pelle a 26 pouces de large. C'est quand même gros pour une pelle. Vous allez pouvoir en prendre plus à la fois. Et on dit que ça va vous aider à pelleter trois fois mieux avec la roue dans le milieu par rapport à la force et l'espèce de levier que ça fait, ou je sais pas trop comment expliquer ça physiquement. Là. Et ça va réduire aussi les maux dans le bas du dos. Et vous n'allez pas autant vous fatiguer vite. Aussi, il n'y a pas de bruit, pas de fumée, de gasoline ou n'importe quoi que vous avez dans votre souffleuse habituellement. 106$. Je pense que je préfère forcer tout croche qu'avoir l'air conne avec une roue de main. Comment? T'es dormant, tu penses trop à ce que les gens pensent de toi. Ah, mais c'est laid! C'est un peu laid. Il y aurait sûrement une façon de faire ça un peu plus... trendy. Mettre des cartes à jouer dans la roue. Oui, ça manque un petit panier à l'avant pour tout ça. Comme les vrais vélos dans le vent. Maintenant, vous voulez chatouiller quelqu'un à distance, c'est connu. Moi, je suis à 2 mètres de Stéphanie environ et j'aimerais ça pouvoir te chatouiller la nuque. Jean-Philippe ailleurs aussi. Donc, il vous faut le Touch and Tickle. Touch or Tickle. Non, est-ce que c'est ça le nom? C'est le nom, cette bande. Faut pas chercher plus loin. Bande, un peu comme nommé en hommage à Philippe Bande sur Vire. Donc, Bond, c'est un petit bracelet qu'on porte sur le poignet. On peut aussi s'en servir comme collier. Et l'appareil fonctionne sur iOS et Android via Bluetooth pour livrer des caresses virtuelles. Donc, c'est assez versatile. Le sensor peut être porté comme ça. Et une fois que c'est activé, l'utilisateur va toucher ou chatouiller le bracelet et ça va le faire à distance sur l'autre personne. Sur l'application, je pense... Je pense qu'il faut chatouiller l'application pour le faire. Ouais, ça a l'air d'être ça. Plus ça. Si tu le touches pendant une seconde, ton ami va recevoir une seconde de chatouillement. On peut aller jusqu'à 5 secondes. Et si... si tu swipes le bond, l'application, ça va envoyer un Rainbow Tickle, un chatouillement arc-en-ciel. Et c'est présentement en train de ramasser de l'argent sur Indiegogo jusqu'au 3 décembre. Donc c'est fini, ça finit hier. On va aller voir s'ils ont réussi à atteindre ça. 170$ qu'il fallait donner pour avoir un bracelet, une paire de bracelets. Si je comprends bien, c'est une paire de bracelets, mais j'ai de la misère à saisir un peu. Si c'est, les deux sont des bracelets, je pense que... C'est genre la version un peu plus bizarre du poke Facebook. Genre. Mais savez-vous quoi? Très loin d'avoir atteint son but, ça. Ça attendait 150 000 $ jusqu'à hier. Ils sont rendus à 15 000 et vraiment, ça ne se produira pas d'après moi, ça. Pas grave. Non, bande, bref. Adieu. Adieu. Maintenant, Noël s'en vient et on veut du papier pour emballer les cadeaux. Mais c'est pas très personnel, du papier. Tu sais, mettons, tu vas à l'épicerie, t'as 70 $ d'épicerie, donne un rouleau de papier dans la Oui, mais moi, il y a des pingouins dessus. Cool, nous autres aussi, je pense. On a eu deux, là. Grosse épicerie, vous me direz, mais... Ah non, écoute, moi, j'ai mis en commun mon épicerie et celle de ma belle-sœur pour qu'on ait droit au rouleau. Yes. Donc, à la place d'avoir du papier générique, vous devriez acheter du Pick Papery. C'est du papier d'emballage custom personnalisé et c'est un service qui vous permet de prendre des photos Instagram et faire un papier d'emballage avec ça. Oh. Pick Papery qui vient de terminer une campagne sur Indiegogo. Vous pouvez en savoir plus en allant sur le lien sur assemblagerequis.com. Et voilà, c'est du papier d'emballage avec des photos dessus. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça beau. Oui. C'est le fun. Oui. Maintenant, le laboratoire Shirai et l'Institut Kanagawa de la technologie viennent de développer une façon d'afficher des vidéos en 2D et en 3D sur le même écran sans avoir de flou. La technologie s'appelle 2x3D ou encore Squitter. Ça utilise deux projecteurs pour envoyer les vidéos à des processeurs graphiques qui vont annuler l'effet 3D d'un côté ou de l'autre. Bref, et vous allez pouvoir... Il y a une vidéo pour essayer de mieux comprendre ça, là. Mais... la vidéo serait en 2D sur l'écran pour les gens qui n'ont pas de lunettes. Et si tu as une lunette avec juste un des deux yeux, la 3D va apparaître seulement pour toi. Donc, dans le fond, les deux apparaissent en même temps. C'est cool, ça. Et ça pourrait être utilisé pour afficher des sous-titres seulement à certaines personnes qui en ont besoin dans le futur. Ah, ça vient d'ajouter un petit quelque chose. Vous pouvez en savoir plus sur le site de Shirai Lab sur assemblagerequis.com. Rapidement sur celui-là, un petit roulis roulant, un skate, mais valise en même temps. Donc, ça fait 40 pieds, 40 pouces pardon, de long. Et il y a un modèle mini qui mesure 29 pouces. C'est le Brief Skate Aero. Ah, et puis c'est ça, dans le fond, c'est sur Kickstarter et il y a une valise, donc tu peux ouvrir le skate pour mettre des affaires dedans. Contre un cercueil. Oui, en effet. Tu peux pas mettre quelque chose de très, très gros. Non, une paire de lunettes peut-être, une affaire pour peut-être resserrer tes vis sur ton skate. Tes clés. Puis là, ben, t'avances en skate, puis ça fait clac-clac-clac comme tes poches de pantalon. Puis c'est... Wow! Maintenant, un kit pour monter votre propre chandail affreux de Noël. Vous-même, do it yourself, ugly holiday sweater pins. Donc, pas besoin d'aller à l'armée du salut ou dans un sous-sol d'église s'il y en a encore pour acheter des vieux chandails des années 80, des chandos. C'est un emballage de 6 patchs pour chandail avec des petites pins, un peu comme des safety pins, des attaches à couche. Ouais. À l'arrière, tu les pins à ton chandail qui est tout à fait normal et ça va être laid instantanément. Vous pouvez aussi les mettre sur des chapeaux de Noël, sur des sous-vêtements, des souliers. Et le 26 décembre, tout enlever ça et puis vos chandails servent encore de chandail normal. C'est cool, hein? C'est beau. Ouais, pas sûr. Est-ce que tu utilises beaucoup d'œufs chez toi, Stéphanie, JP? Est-ce que vous utilisez beaucoup d'œufs? Oui, quand même. Bon, ben, vous avez besoin du Eggminder Smart Egg Tray à la place de perdre vos œufs. C'est un tray, un truc pour mettre vos œufs qui se connecte via iPhone ou Android pour savoir combien d'œufs il vous reste. Et il y a une lumière LED à côté de chaque œuf pour vous dire lequel est le plus vieux. Donc vraiment, c'est un rack réutilisable. Vous mettez vos œufs, tu sais, quand vous achetez des œufs, il en reste juste 3, puis là, t'achètes une nouvelle douzaine. Là, tu sais plus. C'est plus lesquels sont vieux, lesquels sont récents. Hein, n'est-ce pas? Donc, la lumière à côté va apparaître pour vous dire lequel est le plus vieux. Donc, vous utilisez celui-là en premier. Hein? Et on peut aussi avoir une push notification sur l'iPhone ou Android pour vous dire quand vos œufs vont tourner, vont devenir mauvais. Maintenant, mais tu peux juste faire la rotation aussi, avancer les vieux puis mettre les nœuds en arrière. Tu surestimes ma motivation par rapport aux œufs. Puis si t'as peur qu'ils soient passés date, là, ben t'es mis dans l'eau. S'ils flottent, ben mange-les pas. Tu sous-estimes ma paresse. Et tu sous-estimes mon dédain à manger des nourritures qui sont peut-être... Mais oui, mais tu le mets dans l'eau, tu vas le savoir. Je m'excuse, là, mais c'est pas la vérité infuse, ça, là. Non, non, mais ça y va par l'achat des œufs. Bon, mais la date est écrite sur la douzaine. C'est vrai. Maintenant, vous connaissez les t-shirts célèbres sur Internet avec des phrases de films. Tu sais, bon, il va en avoir un paquet avec les memes sur Internet. Bon, ici, c'est des chandails, des chandos, mais avec des phrases détournées. Genre, pas la bonne phrase pour vraiment avoir l'air d'un épais, mais assumé, ironique. T'sais. Par exemple, Star Trek, au lieu de Star Trek, « To boldly go where nobody has been to ». C'est pas la vraie phrase. T'sais. Ou « I am so serious » au lieu de « Why so serious » dans Batman. Ou encore « Can't touch him » au lieu de « Can't touch this » dans MC Hammer. C'est quand même drôle. C'est drôle de porter ça. Les gens s'en rendront sûrement pas compte jusqu'à temps que quelqu'un d'assez intelligent le lise comme il faut et se rende compte de l'erreur et dise « Oh wow, ça c'est intelligent. » C'est juste les vrais qui vont comprendre ton chandail. Là. Exact. Ça c'est cool. C'est très hipster. T'sais. Si tu comprends, ben, c'est que t'es dans la minorité. C'est ça qu'on veut. Puis après ça, il y a un eyes contact avec le gars. Ouais. C'est comme... Oh, j'ai compris. 26 $ par chandail, par contre, c'est quand même assez, Et à la place de, pour Ghostbuster, à la place d'être Who you gonna call, c'est Who are you going to téléphone? c'est horrible. Un couteau, on va se dépêcher là, vraiment pour en accélérer. Je vais faire les plus rapides. Un couteau à melon d'eau, de la couleur d'un melon d'eau, mais qui est assez long pour couper un melon d'eau. Tu sais, des fois, on cherche un couteau assez gros pour un melon d'eau, mais à la place de payer, je sais pas combien tu payes un couteau d'habitude, 19$, à la place, tu vas le payer 57$ ton couteau pour que ce soit de la couleur d'un melon d'eau. La lame est rouge et la poignée verte. Je pense que c'est la première fois que j'entends autant le mot melon d'eau et couteau dans la même phrase. Il en font aussi pour les cantaloups et les ananas. Mais nous, on parlait du melon d'eau. Couteau à melon d'eau. Couteau à melon d'eau. Melon d'eau. À quoi? À melon d'eau. Okay. Ceux qui viendraient de se joindre à nous. Melon d'eau. Je suis tout melon d'eau. Ensuite, tiens, pour ceux qui veulent débarrer des portes mais qui n'ont pas de clé, qui ont tendance à oublier leur clé et qui veulent se servir, tu sais, des affaires pour faire du picking, tu sais, dans les paniers de portes, là, tu peux comme avec un petit bâton de métal piquer la est-ce que vous connaissez ça? Comme dans un film, bref. Mais maintenant, c'est en forme de boucle d'oreille. Oh. Donc, vous avez plusieurs picking, trucs de lockpick sur vos boucles d'oreille. Et quand vous êtes mal pris, évidemment, rien d'illégal ici. Clic-clic dedans, ça se fait tout seul. Un truc pour faire du beurre à la maison. C'est juste un espèce de truc à la bol de plastique avec, on dirait, un beurre de peanut, là, genre. Et tu mets de la crème dedans, je sais pas quelle sorte de crème, mais en tout cas, ça vous dit des instructions. De la crème grasse. Et vous pouvez faire votre propre beurre avec ça. C'est le Chefin Buttercup Buttermaker pour faire du beurre gourmet, par exemple, avec plus d'épices. C'est plein d'affaires comme ça, je sais pas trop, des herbes, de l'ail, etc. Ça a l'air cool. Pour pouvoir faire pacini à la maison. Pacini. Pain à volonté. Et on va terminer avec celui-là, tiens, avec Doug Dynasty. Vous connaissez l'émission très populaire de Dynasty, Dynasty de Canard, là, ça joue partout, là, les très populaires, les gars barbus de cette émission-là. Et bien, Chia a décidé de sortir des Chia Willy et Chia Uncle Cy, qui sont deux des personnages de Doug Dynasty. Donc, vous pouvez maintenant faire pousser la barbe du monsieur à casquette et lunettes bizarres qui a l'air d'un pédophile dans Doug Dynasty. Génial! Je comprends rien de ce que tu dis, je connais pas ça. C'est de la télé-réalité où les gens... font des affaires bizarres. Et ont des barres. Et se font très regarder, oui. C'est comme de l'herbe à chat. Non, mais tu sais, il y avait ça, il me semble, c'est de l'herbe à chat qui pousse. Mais c'est une petite sculpture, puis là, ça pousse. Ah oui? Ah! Eh bien, tu vois, moi, je te comprends pas, Steph me comprenait pas, fait que on se complète bien, ça. Ouais. Moi, je comprends. On arrête d'animer ensemble. On arrête-tu d'animer ensemble dans genre 3 semaines, 1 mois? Parfait. Parfait. C'est tout pour Sex Smith, ça ne devrait pas. On l'a retrouvé les liens sur assemblagerequis.com. Et dans quelques minutes, ce sera la chronique de Stéphanie Paradis, Les Petits Bonheurs. OK, oui. Son petit de même, tout flattable. Son petit de même, c'est beau à radio, c'est petit de même. J'aime ça les mimes à radio, moi. Ben, regardez quelque chose de petit, là, chez vous, c'est petit de même. Ouais. 1 centilitre. Ça dépend. Ça dépend. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à l'émission Matinale en pièces détachées. Assemblage requis, lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. En effet, Stéphanie Paradis s'en vient pour sa chronique Les Petits Bonheurs dans quelques instants à peine. Mais avant ça, on a le temps pour une autre nouvelle entrée du palmarès anglophone. On s'en va entendre Sebastian Granger. Son album s'appelle Yours to Discover. Et voici Going With You. Oui, j'y vais avec toi, Mathieu. On va découvrir ça ensemble. Super, j'ai hâte. 5, 6, 7 et 8. Merci. C'est la bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui! Woohoo! Big, big winner! Sebastian Granger, Going With You sur l'album Yours to Discover, nouvelle entrée du palmarès anglophone en 20e place. On se retrouve jeudi pour la réentendre. Oui, parce que t'es bonne. Avant les petits bonheurs de Stéphanie Paradis, tu sais qu'à chaque semaine, on suit les péripéties d'un certain personnage à grosse poche. C'est toi? Non. C'est les péripéties de JP. Les péripéties de JP, épisode 3. Oh! Mmh. Mmh. Mmh. Oh! Oh! Ah! Chaud! Mmh. Oh! C'est bon, ça? Oh! Oh! Mmh. Ouh! Oh! Incroyable! Oh! Voilà! C'était JP qui vivait un moment de tendresse avec Mathieu. Voilà! Voilà! C'était l'épisode 3 des péripéties de JP. Soulagé, soulagé. Oh. Oh. T'as quasiment malaise, hein? Un peu, c'était long, hein? Oui, quand même! Et t'as l'air de savourer ça pas mal. Donc, ben, on retrouve ça toutes les semaines à 9h les mercredis, les péripéties de JP. Incroyable! Incroyable! Incroyable. Voilà! C'est ça. Ah. Elle mange. Hein? Hein? Elle mange pas ça en une bouchée, là? Ah non. Je... OK. Ouais. Maintenant, c'est les petits bonheurs de Stéphanie Paradis. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la housse. Comment s'y prendre? Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois qu'un loser. Stéphanie Paradis, bonjour! Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Philippe! Salut! Ça fait un mois qu'on n'a pas fait le petit bonheur, donc t'as dû accumuler bien des choses à nous dire. Ah, pas tant que ça. Non. Ben, j'ai juste un sujet. Non. Décevant, je trouve. Non, c'est pas vrai. Alors, on parle d'un sujet quand même approprié à ce moment-ci de l'année, là, ça commence. Ben, il y en a qui vont peut-être trouver que je suis un peu trop tôt. Mais c'est parce qu'on vous réserve une surprise dans 2 semaines. Donc, c'était le moment pour le faire. Donc, aujourd'hui, je vous parle des petits bonheurs du temps des fêtes. Oh. Yeah. Parce que oui, ben ça commence. J'ai pas dit nécessairement Noël. Je pense qu'on peut considérer qu'on est pas mal... On s'en vient pas mal dans le temps des fêtes. Donc, ben écoute, le temps des fêtes, ben justement, même si on a l'impression que ça arrive de plus en plus tôt à chaque année, puis que les commerces se sont même un peu appropriés la magie de Noël, je crois, ben on peut pas faire autrement que de l'adorer. Moi, j'adore ça, mais je déteste la neige, OK? Je déteste la neige, mais je crois quand même qu'un vrai temps des fêtes, ça doit être blanc. Ouais. Ça prend de la neige. Parce que c'est beau. Oui. Ça fait chier. Mais j'apprécierais quand même que ça fonde le 1er février. Le temps de faire la raquette 2-3 fois, puis je serais satisfaite. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, je vais commencer avec mes petits bonheurs du temps des fêtes. Et la première chose, c'est tout simplement les décorations de Noël. Ben oui, les guirlandes. Ben, pas juste ça, hein? Non. Rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance que les décorations de Noël. Donc oui, il y a les guirlandes, il y a les étoiles, les Pères Noël, les pingouins, les tuques, les clochettes, les grelots, les lutins, les barbes, les sapins, les reines, les flocons, le rouge, le vert, les lumières. Hein? Écoute, juste d'en parler, là, j'ai le goût de me rouler dans une doudou puis de recouler. Oh. Avec du lait de poule. J'ai jamais vu du lait de poule. Non, ben non, c'est bon, c'est quoi? J'en achète à chaque année, j'en bois une tasse puis j'en ai assez. Après ça, c'est fini. C'est ça. Le ben, reste pourri dans le frigidaire, ben, je laisse ça jusqu'au mois de mars. Fait. Tu m'amèneras le reste, je vais goûter. OK, avant bon, que je passe date. On s'achètera à pointe à deux. Yes. aussi, ben, faut faire attention quand on achète nos premières décorations de Noël, mm-hmm. parce qu'il faut choisir son style. Parce que oui, il y a 2 grandes écoles de pensée distinctes dans les décorations de Noël. Il y a premièrement le style réconfortant hétéroclite classique. Okay? Le RHC. RHC. Et le deuxième style qui est le showroom monochrome moderne. SMM. SMM. Ça, c'est ceux qui ont les sapins blancs. Les sapins de Noël blancs. Écoute, moi, je fais clairement partie du premier style, OK? Avec mes pingouins foulards, mon sapin vert, mes guirlandes rouges et ma multitude de personnages chantants. Ça, c'est plus fort que moi. Chaque année, ça me prend un nouveau cossin qui chante des tunes de Noël. T'en trouves qui chantent en français ou en anglais, là? C'est ça l'affaire. Il y en a qui chantent en français, mais généralement, c'est horrible. Il y en a qui chantent les deux, puis il y en a qui chantent en anglais. Mais j'aime beaucoup la musique traditionnelle en anglais aussi. Donc, moi, ça me plaît très bien. Tu pourrais sûrement acheter Maxime Landry. Il doit pas être cher. Il a fini sa carrière. Là. Fait que tu l'achètes, tu mets dans ta maison, tu chantes du good bell. Ouais, bah, tu le laisses de côté. Ben oui. Donc, les décorations du style réconfortant hétéroclite classique, je me suis pas facilité les choses ben. Donc, en général, toutes ces décorations-là sont accumulées au fil des années et même souvent sont passées de génération en génération pour certaines d'entre elles. Pour le deuxième style, on parle plutôt de décorations uniformes. Donc, on a un sapin 631 avec un centre de table assorti, de préférence dans les tons de bleu et argent, de fuchsia ou or, de fuchsia et argent et de bleu ou or. Wow. C'est les teintes qu'on retrouve le plus souvent. Puis il y a beaucoup de paillettes. Puis tu sais, c'est avec des Pères Noël beaucoup trop réalistes, puis des boules en verre avec des formes de reines abstraites, là. Un peu trop longilignes. Donc c'est beau, mais ça me coupe ce qui est le plus important ce temps des fêtes. Puis c'est me rappeler mon enfance, puis me rapporter une nostalgie réconfortante que je trouve qu'on retrouve pas dans ce style-là. Vrai. Donc voilà pour les deux styles. Ensuite, petit plaisir pour moi, c'est la popote des fêtes. Moi, j'adore cuisiner, j'aime ça faire plaisir à tout le monde avec ma bouffe. Donc, faut que j'avoue que ce que je préfère popoter, c'est des desserts. Par contre, je suis quand même tiraillée, OK, entre le style réconfortant hétéroclite classique et le showroom monochrome moderne. Il y a ça des desserts aussi? Pour ce qui est de la bouffe, oui. OK, j'aime reproduire les classiques de mon enfance. Ça, c'est le réconfortant hétéroclite classique. J'ai les retenu. Ah oui, t'es pas pire. Donc, moi, j'aime ça reproduire ces recettes-là parce que c'est des recettes que ma grand-mère et ma mère ont faites. Je veux les maîtriser puis je veux les faire à mes enfants un jour. Comme quoi? Mets-moi l'eau à la bouche. J'y arrive. Puis c'est important, de transmettre ça aussi à tout le monde parce que moi, en venant de la Gaspésie, je veux pas... Il y en a que c'est des traditionnels pour moi, mais que ce n'est pas nécessairement pour ma belle famille qui vient de Trois-Rivières. Donc moi, entre autres, je fais du pâte à la viande, des dominos Noël, puis des biscuits Ritz, pâte de homard crevette. Hein? Tu sais, c'est bien cheap, là, mais c'est bon. Ça fait tellement pas tant des fêtes, on dirait des crevettes. Puis des... Biscuits Ritz, pâte de homard crevette. Puis là, joyeux Noël! Joyeux Noël! Bon. Mais ici, moi, j'ai plutôt mangé du ragoût de pâte, des plottes puis du pain russe. C'est fou. OK? Puis sérieusement, du pain russe, c'est fucking dégueulasse. C'est quoi? Tu connais pas le pain russe? Ils vendent ça juste dans le temps des fêtes. C'est du pain tranché, mais sur le long. Oui, OK. Ça, je connais, ouais. Puis t'en as de couleurs, genre, je pense que c'est rose ou vert, des trucs comme ça. Orange, des fois. C'est ça. Mais t'as un étage, genre, c'est comme... soit du mélange du stuff à sandwich au jambon, un étage stuff à sandwich poulet, puis un autre étage d'autre chose. Mais ça, il y en a à l'année longue, je l'achète des fois, mais je l'achète en tranches, des petites tranches vraiment minces de déjà fait du pain russe. Il y a ça à l'épicerie, puis j'en achète souvent, puis je savais pas que ça s'appelait de même, parce que j'ai pas regardé l'étiquette. Et le pourtour est en fromage. Ouais, c'est soit du cheese whiz ou du fromage à la crème, génial. Moi, que j'ai connu ici. Génial. Les deux, je trouve ça dégueulasse. Non, je trouve ça dégueulasse. Chaque bouchée a un goût différent. Mais c'est ça, c'est horrible. Je vais m'excuser à ma belle-mère, là, parce que... Je m'excuse, belle-maman, j'aime pas ça du pain russe. Puis en passant, moi, mon pâté au saumon, là, je mets pas de la sauce aux œufs dessus, je mets du ketchup. Oh non, la sauce au saumon, la sauce aux œufs, c'est bon. C'est dégueulasse, sérieux, vous mangez des affaires bizarres ici, là. Bon. Je m'assume. Moi, je mange de la morue séchée salée. Salée. J'ai pas d'accent que je dis. Oui, t'as l'accent quand tu sors. Soleil. Tu aimes le soleil, tape des mains. OK. Ensuite, petit bonheur, je pense que ça, tout le monde va être d'accord. Les films du temps des fêtes. Oui. Ça, c'est une tradition avec moi-même. OK. Chaque année, dans le temps des fêtes, je choisis un après-midi où il tombe des gros flocons cotonneux. Je m'installe en pyjama avec ma doudou, un bon breuvage chaud, comme ça peut être un chocolat chaud, un café aromatisé, un chai latte, tu sais, on se gâte, là. Avec des biscuits sablés aux amandes ou des bonhommes en pain d'épices, je m'installe pour écouter « Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2 ». Pis ça, c'est pour vrai, je peux pas passer un temps des fêtes sans me faire ce petit après-midi-là. Cette année, ça va être écœurant, OK, parce que le meuble de télé de ma coloc, il y a un foyer électrique. Fait que, l'ambiance va juste être trop parfaite. Là, il va juste manquer la peau d'ours. Ça va être malade. j'aime aussi cet après-midi-là parce que c'est rare qu'on prend des moments de détente comme ça, seul avec nous-mêmes et... Macaulay Culkin. Avant qu'il vire comme un drogué, genre, je sais pas quoi, pédophile, je sais pas quoi. Non, j'invente des affaires, c'est pas... Fait qu'on devrait tous vivre des moments comme ça de temps en temps, puis on le prend pas assez souvent, donc là, dans le temps des fêtes, je prends ce moment-là pour moi. C'est important, juste un petit après-midi, là, puis on se sent tout bien, là. Aussi, sinon, c'est le moment idéal pour regarder pour la millième fois la série d'Astérix au grand complet. Grâce à Télé-Québec, personne va jamais avoir besoin d'acheter le coffret DVD, parce que oui, il y en a un. En passant, le film Sapin des boules, là, c'est plate. Non! Fin de la discussion, c'est ma chronique! Non! Fin de la discussion, c'est ma chronique. Mais je dis juste que je suis pas d'accord. OK. Les cadeaux? Les cadeaux, ouais. Vous aimez pas les cadeaux? Non, je préfère mon sapin des boules. Ouais. Je suis pas très joie. Je suis pas un bon magasinant. Ton sapin des boules? Oui, madame. Donc, moi, chaque année, je prends un plaisir fou à méticuleusement choisir les cadeaux que je vais offrir à ma famille et à ma belle famille. Je fais des belles petites listes détaillées avec des codes de couleurs. Je commence mon magasinage au mois de novembre. Wow. Parce que j'aime que tout soit parfait. Puis, je vais avoir le temps de tout recevoir parce que je magasine beaucoup par Internet, comme sur eBay. Puis, quand tu achètes quelque chose en Chine, faut que tu sois d'avance, faut que tu sois patient. Donc, commence au mois de novembre. Ouais. Aussi, dans ma belle famille, j'adore la tradition du Bon Noël. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas quand j'étais petite. Fait que j'en profite pleinement aujourd'hui. Fait que ma belle-mère, moi, elle achète des Bon Noël vraiment comme gigantesques. Tout le monde achète des petits quelque chose pour remplir le bas des autres. Donc, tu sais, tout le monde s'enligne naturellement vers le Dollarama parce qu'on veut vraiment des petits cossins. On veut pas investir nécessairement beaucoup là-dedans. Mais ma belle-sœur et moi, on est plus rendus accro de eBay. Fait que ce site-là est génial pour des trucs inusités et peu chers. Puis honnêtement, le moment où on vide notre bas à tour de rôle, c'est quasiment plus trippant que les gros cadeaux eux-mêmes. Parce que moi, j'aime ça essayer de surprendre les gens. Tu sais, souvent, moi, je veux voir leur expression. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau. Ça peut sembler cliché de dire ça, mais c'est vrai pour moi. J'ai beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais ça n'empêche pas que, comme tout le monde, j'aime ça avoir des cadeaux. Je suis humaine, je suis un peu bébé lala. Mais pour vrai, moi, essayer de surprendre les gens avec les cadeaux, puis surtout les bonnes Noël, c'est comme un petit cossin, genre, ha ha ha, c'est comique. Mais là, je ne vais pas te dévoiler de punch. Non, là, mais non. Parce que moi, c'est déjà tout acheté, en passant. Loin de là pour moi. Ben, pour les bonnes Noël, j'ai pas fini mes cadeaux. Okay. J'attends la prochaine paye. Ouais. Oublie-nous pas, Jean-Philippe. Non, ce sera notre cadeau. Ensuite, un petit bonheur pour moi, c'est la famille, tout simplement. Noël et jour de l'an, ben, c'est des rares moments de l'année où on peut voir toute notre famille, parce que la plupart des gens ben, sont en congé puis prévoient déjà leur déplacement à l'avance. Moi, je suis chanceuse, il n'y a pas vraiment de chicane dans ma famille. Moi, je pensais que ça n'existait pas, de la chicane dans la famille, avant de sortir de mon trou. Ah, il n'y a que ça dans la mienne, fait que... sérieux, mais moi, je suis chanceuse, tu sais, il n'y a pas de chicane, fait que c'est toujours un plaisir de, qu'on passe du temps ensemble. Donc, c'est tout le temps des beaux moments. Ensuite, ben mon Dieu, le temps des fêtes, c'est l'orgie de bouffe. Ben oui. Et de reste? Oh, on a tout le temps des restants comme à perpétuité, là. C'est incroyable. Ad nauseam, puis ad vitam aeternam. Ouais, jusqu'à la nausée. C'est ça. Ad nauseam, exactement. Ouais. Donc, ben, le temps des fêtes, c'est l'excuse idéale pour se bourrer la face. T'sais, quand tout le monde veut nourrir tout le monde, c'est difficile de pas goûter à tout. Puis ça fait du bien de pas se sentir coupable parce qu'on se dit, ben anyway, tout le monde fait ma fuck à moi présentement, puis se bourre la face. On s'entraînera en janvier. Ah, résolution. Ouais, ben oui. Non, ben moi, je vais quand même continuer à m'entraîner. Oui, oui. Mais je vais me bourrer la face. Pour compenser. Je vais m'entraîner plus pour manger plus. OK. Pour faire plus de poudre, pour faire plus de... d'argent. J'y allais. J'y allais. Ah, okay. Non, je pense qu'on avait tous pensé à la même chose. Bon. Ensuite, écrire au Père Noël. Ben oui, c'est le moment idéal pour revenir à l'âge de 4 ans et demi. Celui où tu écris enfin ta lettre au Père Noël. Pôle Nord, H-O-H-O-H-O. H-O-H-O-H-O. Écrire au Père Noël. Fait que t'as beau écrire les pires niaiseries possibles, tu vas recevoir quand même une belle lettre rédigée à l'avance. C'est ça, copier-coller. Mais il paraît qu'il y a vraiment, je pense, c'est comme 13 000 bénévoles qui travaillent pour le service des postes Canada. Pour mettre la feuille dans l'enveloppe. Non, mais ils mettent quand même un petit mot personnalisé à la fin. Oh. Banane. Ah oui! Ah, oh, est-tu trop tard pour écrire au Père Noël? Je sais pas. Ben, jamais trop tard. Hey, on le fait tout tantôt? OK. On écrit une belle en lettre. En gang, au nom de ces fous, mettons? Ouais. Okay. Très cool, hein? Ouais. On fait ça. Ensuite, s'habiller chic. Tu sais, le monde normal n'a pas souvent l'occasion de s'habiller chic. Fait que c'est le temps de sortir sa petite robe noire de la garde-robe. Hein, Mathieu? Ou d'acheter une à l'aubainerie cette semaine. Je me suis acheté ça pour moi, évidemment. Une petite robe noire? Ben oui, cool. Les petites têtes là-dedans, Mathieu. Large de même. Oui, c'est beau à radio. Mime, moi, j'aime ça. Donc, faut quand même faire attention. Faut avoir au moins trois robes puis faire la rotation chaque année. Pourquoi? Moi, il y a quelques années, je regardais mes photos de Noël, tu sais, toutes bien classées par date dans mon ordinateur. Là, 2008, 2009, 2010. Ben oui, toi. Mon oncle a porté la même chemise 3 années de suite. Ah. Puis là, je l'ai bien averti que je voulais plus la voir parce que ça me rend la tâche un peu trop difficile pour classer mes photos. Fait que là, je me fie plutôt à la coiffure de ma tante. Non, oui. C'est un peu plus crédible que... Ça change tout le temps. La coiffure, ben oui, ça change de couleur, ça change de texture, ça change de... Oh, oui. Ça change de sexe, toute la question. Non, mais en tout cas, mais pour vrai, j'ai trouvé ça très drôle. Je pensais vraiment que je m'étais trompée d'année en classant les photos. Mais non, ouais. Il a mis la même chemise 3 années de suite et là, je l'ai banni, je l'ai brûlé. Décevant. En tout cas. On et sait. Finalement, dernier bonheur du temps des fêtes, ben c'est la musique. Hein? Oui. Non? Tu veux dire ce que ben, t'as pas amené pour compléter la chronique tantôt, c'est ça? C'est le genre de musique-là de Noël qu'on n'aura pas à la fin de la chronique, c'est ça que tu veux dire? Ben non, faut pas mettre ça. Non, là, OK. Quand même. Ben non, mais c'est. Tu sais, c'est. Tu sais, les chansons qui sont agressantes 11 mois par année, là, ben, ils deviennent de merveilleuses mélodies féeriques pendant le mois de décembre. Moi, j'aime ça écouter des ténors qui chantent un minuit chrétien. Hein, c'est beau. moi, je suis vraiment fan des chants traditionnels qui respectent l'air d'origine de la chanson. Hein, moi, les fioritures à la Christina Aguilera et Mario Pelcha, là, moi, ça me tue. Je suis pas capable. Je dois être capable de chanter en même temps, comme quand je chantais dans ma jeunesse avec la chorale de l'église. Hein, je sais, il prenait vraiment n'importe qui. Bref, moi, je veux des clochettes, des cœurs, des enfants tambours. Ça prend des beaux petits chants traditionnels. Parapapam-pam. Parapapam-pam. Petit enfant au tambour. Sur la route, parapapam-pam, son cœur qui bat. Pam-pam-pam-pam. Pam-pam-pam-pam, Granny Smith. Wow! Mais moi, je pensais vraiment qu'il parlait de pommes dans cette chanson-là. Je comprenais pas pourquoi. Oh. Ouais. Peut-être c'est pas la saison. Mais je voyais pas le lien entre tambour et pommes. Ben, j'ai fini, là. Ah, c'est tout? Ben oui. Colin, ça passe vite. Faut pas que je dis rien, genre. Non, si tu m'attribues pour dire que Christmas Vacation, c'est vraiment bon. Ça, c'est... ça fait des boules. Oui, ah, c'est ça. Oh, ouais. Oui, c'est une traduction vraiment littérale qu'ils ont faite, là. Vraiment, vraiment, mot pour mot. C'est ça qui est le fun, ça fait partie d'une série. Il y en a plusieurs autres films de Noël, je pense, deux autres, hein, Christmas Vacation 2, je pense. Hein? Je pense, ils ont peut-être fait le 2, ouais. Mais non, c'est l'original. Au Québec, il y en a juste un, puis c'est non, celle-là. Non, on aime puis... les classiques. Ben oui. Ah, c'est bon. Moi, Cendrillon 2, là, vidange. Ouais, puis... Bring It On, Derp, tous les films de filles qu'ils ont fait. Là, ah, Vidange. Vidange. Direct sur DVD, direct dans Vidange. Ouais. Merci Stéphanie Paradis. Ben, ça me fait plaisir. Chronique sur les petits bonheurs de Noël. Non, du temps des fêtes. Du temps des fêtes, excuse-moi. Joyeux Noël. Non, joyeux temps. Joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël. Voilà. on va se quitter. Bientôt. Pas mal. Déjà. Ouais, déjà. Ça fait le tour. Il est pas mal là de s'en aller. C'est plate. C'est plate, mais demain, on aura une autre émission entre 6h30 et 9h30. Remercions les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Jean-Philippe? Oui, merci Stéphanie Paradis. Oui. Merci. Merci Véronique Mire. Exact. Merci à Pomalsa. Pomalsa. Ben oui. Ingrid va être de retour la semaine prochaine, bien sûr. Demain, l'émission, Justine Renaud va être aussi de retour parmi nous pour son bloc musical Justine aux platines. François Landry va être là pour lui aussi de retour parce qu'il n'était pas là la semaine passée pour sa chronique politique Logocratie 101. On n'aura pas David Ferron, mais on va avoir Joanie Gagnon qui va nous dire qu'elle est sortie faire dans sa chronique. Alors, on sort. Cool! 6h30 à 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes dans quelques instants. À 10h, ce sera les précieuses ridicules, en rappel. À 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. 13h, Connaître ensemble, le magazine sur la périnatalité. Ensuite, des émissions que vous avez peut-être manquées, dont Le Voyage de Célite et La Vie en mauve. Je vais être de retour à 16h seul cette semaine pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 17h, Stéphanie va être avec moi pour l'édition Top 5 des Palmarès C'est fou. Et plus tard en soirée, à 19h, c'est Rap Fusion. CIF.ca. Pour la programmation complète. AssemblageRocky.com. Pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Tweet, tweet. Face, face. Face, face. Face. Flock, flock. Splash, flock, flock. Splash, face. Hey, parlant de splash, face. Insta, insta. Insta, insta. Parlant de splash, face, Stéphanie, je te vise plus. et splash. Splash Face. Ça, je l'avais même pas pensé. C'était quoi, ça s'en va où, ça? Ouais, ouais, je sais pas. Voulez-vous que je vous laisse? Si tu veux, si tu veux. Non. Tu sais que je t'ai déjà parlé que je trippe sur iCarly et Victorious, les émissions pour enfants, pré-ados. Bref, j'écoute ça. On est en train de finir. Il nous reste juste les finales des deux séries. Je vais les écouter après l'autre, Victorious et iCarly. Est-ce que tu vas pleurer? C'est sûr que je vais pleurer. Ben, au moins dans la finale de iCarly, parce qu'il n'y a pas de fin à Victorious. C'est plate, mais il n'y a pas de fin. Ah. Ça va juste jouer en boucle à vitam aeternam jusqu'à la fin des temps. Sans fin. Ad hoc. Ils ont fait une chanson de Noël, toi, dans Victorious. Une chanson de Noël, nouveau genre. On se quitte avec It's Not Christmas Without You. Allô, ouais. Bye. Bye, Mathieu. That you knew how much it would mean to spend this time.